caresse comme les mains aiment la peau. Et le sexe ne dure que si l'amour est chaud. Nos deux corps s'enlacent pendant que le temps passe. Baiser long, baiser court, on s'aime, on se fait tout. Même si le sexe passe, jamais il ne lasse. Et quand tu m'embrasses, alors je trépasse. L'amour aime les caresses, l'amour aime les caresses, l'amour aime les caresses, l'amour aime les caresses. L'amour aime les caresses, l'amour aime les caresses, l'amour aime les caresses.